السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes, inshallah ta'ala, samedi 18 Safar 1430, c'est-à-dire le 14 janvier 2009, bi'idhna azawajal. Nous sommes avec le 31e cours du deuxième tome, bi'idhnillahi subhanahu azawajal. Tayyib, si je me trompe, reprenez-moi, mais il me semble, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que nous sommes, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que nous sommes dans le 12e événement. Parce qu'on avait dit qu'il y avait 12 grands événements qui auraient lieu le jour de la résurrection. Si je ne me trompe pas, nous sommes au 12e. Le 11e, c'était l'intercession. C'était l'intercession et les différentes sortes d'intercession. Naam. Maintenant, le 12e, Inch'Allah Ta'ala, c'est lorsqu'il a dit ici, il a dit l'amr al-thani achar, mimma yakunu yawm al-qiyama, wa yibqa fil jannati fadlun, عمن دخلها من أهل الدنيا ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الجنة. C'est-à-dire, lorsque les habitants de ce monde entreront au paradis, une partie de celle-ci, c'est-à-dire du paradis, restera inhabitée. Donc, lorsque le paradis, lorsque les gens qui vont rentrer avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal au paradis, ils rentreront au paradis, il restera une partie de ce paradis qui sera inhabité. Cheikh Larahmou dit Al-Jannatu arduha samawatu wal-ard, wa hadhihi al-Jannatu hiya allati arduha samawatu wal-ard. وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض هي التي يدخلها أهلها ولكن لا تمتلئ وقد تزوج وللنار لكل واحدة ماذا بم. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou dit, ce paradis qu'Allah Azza wa Jalla va faire rentrer les gens qui vont rentrer au paradis, ce paradis ne va pas se compléter, c'est-à-dire il va rester une partie qui sera inhabitée. Il a dit, et le Mawla Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, le Seigneur a-t-il, a promis qu'il donnerait le plein, ferait le plein au paradis et à l'enfer. C'est-à-dire que les doivent être pleines, que ce soit ou que ce soit. Quant à l'enfer, يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ مِنْ مَزِيدٍ فَلَا تَمْتَلِي. Allah قدم. L'enfer, Allah Azza wa Jalla, il va lui jeter les gens, il va lui jeter les gens, ensuite il va lui dire, est-ce que tu es rempli, comme dans le verset. يَوْمَ نَقُولُ لِجَنَمْ هَلِمْ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Allah Ta'ala va jeter les gens, on va jeter les gens, à chaque fois, est-ce que tu es rempli, est-ce que tu es. Non, pas encore. Non, pas encore. Jetez-moi encore. Jetez-moi. Yani des gens. Jetez-en encore. Alors Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il va faire, comme vous savez tous? Il va mettre son pied sur Jahannam, sur l'enfer. Un pied qui lui convient, Azzawajal, un pied pas comme notre pied. Rien ne lui ressemble, Azzawajal, qu'il va appuyer sur Jahannam. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que va faire cet enfer? Cet enfer alors va se serrer, disons, contre lui et il va yani, ne plus y avoir de place à l'intérieur donc de l'enfer. Naam. Ça donc en ce qui concerne l'enfer. En ce qui concerne le paradis, que va faire l'Azzawajal? Naam. Au lieu de mettre son pied comme il l'a mis sur l'enfer, qu'est-ce qu'il va mettre alors? Alors dans le paradis, il va créer d'autres personnes, d'autres gens, naam, qui n'ont pas vécu dans cette dunya, spécialement ils vont être créés chez Allah subhanahu wa ta'ala, et va les faire rentrer au paradis. Et va les faire rentrer au paradis. Et ça, on l'a cité plusieurs fois, et il y a un hadith authentique là-dessus, bi'idna azza wa jal. طيب. Ensuite, Cheikh Rahmo a dit, والجنة موجودة الآن لقوله تعالى أعدت للمتقين والأحاديث في هذا المعنى متواترة. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo a dit, et le paradis existe maintenant. Et prouve cela, il a dit, sont beaucoup, naam, et moi j'ajoute, sont très connus. Naam, et on les a cités plusieurs fois. Donc le paradis, et j'ajoute l'enfer aussi, existe de nos jours. Naam, et sont déjà créés, on ne dit pas comme yani, les Mu'tazila et les autres qui disent que c'est le jour de la résurrection que Allah Ta'ala va créer le paradis et l'enfer. Nous on dit ils sont déjà créés et vous connaissez tous le hadith où Allah Subhanahu wa Ta'ala a envoyé Jibril une fois pour voir jeter un coup d'œil à l'enfer. Et le messager d'Allah quand il a fait son ascension, il a jeté un coup d'œil en enfer et il est rentré au paradis. Il n'existait pas, il ne se rentrait pas dit ni jeter un coup de fer. Vous savez tous, vous connaissez tous, il a dit ce qu'il dit, l'enfer respire deux fois par an. On suit ici, Ibn Taymiyyah, وما تضمنته الدار الآخرة من حساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المقصور عن الأنبياء وفي العلم المروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك في ويكفي فمن ابتغاه وجده. C'est-à-dire, ça donne en français le détail de tout ce qui se rapporte à la vie ultime. La vie ultime, c'est yani, quand on va rencontrer Allah Azza wa Jal, la vie du paradis, naam, ou bien la vie de l'enfer pour les autres. Le détail de tout ce qui se rapporte à la vie ultime, c'est-à-dire la reddition des comptes, la rétribution, le châtiment, le paradis, le feu, tout cela a été mentionné dans les livres révélés, et dans les hadiths hérités de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comporte ce qui est de nature à satisfaire et à suivre les gens. Celui qui désire savoir davantage sera comblé. Celui qui désire en savoir davantage sera comblé. Maintenant, lorsqu'il a dit que tous les détails se trouvent hein, dans les pays, dans les livres que Allah a fait descendre sur ses messagers. Lorsqu'il a dit cela, le Cheikh Lahmou a dit, comme par exemple, le Torah, le livre, la Torah, Naam, ou bien l'Injil, l'Évangile, ou bien Sourate, les livres d'Ibrahim alayhi salam, feuillet d'Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam, Naam, wa ghayriha min kutub munzala, les autres livres, subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas. Faqad dhakara fiha, Naam, dhalika mubayyan mufassalan li hajjat an-nas. Dans tous ces livres que je viens de citer et les autres qu'on connaît, Allah Azza wa Jalla a donné tous les détails naam, de ce qui va se passer demain contre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il a dit parce que ils ne peuvent pas vivre, yani être à droiture dans le din s'ils ne connaissent pas ces choses-là. Besoin de ces choses-là et de ces détails, de ces détails. Naam. Ensuite, Cheikh Lahmoudi, الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين العراقي، ساشي ولا سا لاس لا سيونس كي فيان ديري كي ديفيز اون دو اون دو. نعم، القسمة بالوحي وما ذكر وما ذكر في القرآن والسنة صحيحة، وهذا لا شك فيه واعتقادي مدلول. دونك لا سيونس كي ميساجي سو ديفيز اون دو، لا بروس سيل كي سو با سور لا ريفيلاسيون كوم سكي يا دون لو كوران سكي يا دون اوتونتيك، كار فو سافي كلا اوتونتيك سي ريفيلاسيون، كار لو ميساجي دو الله القرآن لا ne parle pas avec ses passions, mais c'est Jibril qui lui dit les choses. Non. Donc, c'est une sorte de messager qui est basé sur le Coran et la Sunna authentique, tout le monde est unanime pour dire accepter. Deuxième sorte, Ismoun ata an tariq al-naqli ghayr al-wahy. La deuxième sorte, ce qui est venu, mais qui n'est pas basé sur la passion. Non. Qui se trouve par exemple dans les livres, dans certains, beaucoup de livres. Non. وهو الذي دخل فيه les mensonges, les déviations, des changements et comme ça. نعم. ولهذا لابد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل بهذه الطريقة عن الأنبياء السابقين. C'est pour ça que la personne dans cette deuxième sorte doivent être très prudentes. نعم. Doivent être très prudentes et ne doit pas tout avaler. Mais il y a des règles et des bases qu'elle doit connaître pour savoir ce qu'elle doit prendre et ce qu'elle doit délaisser. Naam. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ قُولُوا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ رواه البخاري. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens du livre vous rapportent des choses, il ne faut ni les croire, ni les démentir, ni leur dire ce que vous avez dit est vrai, ni leur dire ce que vous avez dit est faux, laisser des mensonges. Mais dites: آمنا بما أنزل علينا آمنا بما أنزل إلينا، on croit en ce qui est descendu sur nous et en ce qui est descendu sur vous. لأنك إن صدقت فقد شرعت. Pourquoi? Si jamais tu vas les croire en ce qu'ils disent et que tu crois des choses fausses. Et le contraire, tu vas dire crois pas en ce que vous disiez, il est possible que tu donc tentes des choses qui sont vraies, que l'on dit dans ces livres, et dire non, ce n'est pas vrai, je ne prends pas cette chose. C'est pour ça que les gens du livre, on ne doit ni croire, ni croire, ni démentir. Ni les croire, ni les démentir. Mais ce qu'il faut savoir, quoi? Il faut savoir que les gens de la société, qu'est-ce qu'ils ont fait? Diviser ce qui nous est offert en trois sortes. Première sorte, première sorte, ce que notre religion a certifié vrai. La deuxième sorte, ce que notre religion a réfuté. Non. Et troisième sorte, ce que notre religion n'a ni certifié vrai ni réfuté. Donc je répète, ce qui vient des autres messagers est une religion qui n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna, ou bien notre religion le reconnaît, il dit ça c'est vrai, ou bien notre religion le réfute, il dit ça ce n'est pas, ou bien notre religion se tait. Si c'est notre religion le reconnaît, par exemple, notre livre, il y a dans tous les autres livres que Allah est unique, est un, en lui-même, ses attributs dans ses actes. Les livres, ça. Donc, nous, qu'est-ce que la religion reconnaît ça ou ne le reconnaît pas? On reconnaît. Première, on l'accepte. On l'accepte pourquoi? C'est parce que notre religion l'a reconnu. La deuxième sorte, il y a par exemple dans leurs livres, dans certains de leurs livres, ils prétendent qu'il y a, qu'Allah Azzawajal a des enfants. Cette chose, notre livre et notre religion l'a réfutée. Donc, cette chose, on ne l'accepte pas. Et la troisième des choses, la troisième sorte, des choses qu'il y a dans leur livre et dont notre religion n'a ni reconnu ni réfuté. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, s'il y a dans leur livre, par exemple, que il y a dans le paradis, par exemple, je donne un exemple, c'est tout, qu'il y a par exemple dans le paradis, par exemple, un cheval, par exemple, qui a 100 ailes. Qui a 100 ailes. Ça, notre religion n'a pas dit que ça existe, ni n'a dit que c'est faux. Dans ce cas, Naam, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit ni c'est vrai, ni c'est faux. Naam. Ensuite, il a dit, فالعلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم سواء في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم et من ذلك يكفي. Il a dit ce qu'on a de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna nous suffit largement. Des fois ça coupe un peu, mais on peut rien faire. On ne peut rien faire, ça. On peut rien faire. Car ça fait pas 5 minutes, mon épouse parlait avec une sœur dans le micro. Elle lui disait, je vous entends pas bien, ça coupe, etc. Donc ce n'est pas de notre faute, bien azzawajal. Non. Si vous voulez, Inch'Allah Ta'ala, on essaye de terminer comme ça. Sinon, si ça ne marche pas, on va laisser le dars, Inch'Allah Ta'ala, pour la prochaine fois. Donc, on va essayer un peu. Si ça ne marche pas, on arrête et on laisse le dars, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Tayyib. Et le cheikh Ibn Uthaymeen rahmoullah a dit, ce qu'il y a dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas besoin de faire des exhortations qui n'existent pas dans le Coran et la sunna. Il a dit ce qu'il y a dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna authentique, nous suffit. Il y a dans tous les chapitres, il y a des traditions authentiques. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi bab al-wa'd wal-fada'il tariban ou tariban inqasim ila 3 aqsam. Mais ce qu'on doit savoir, et là c'est important ce que va dire le cheikh, il a dit, mais ce qu'on doit savoir, ce qui nous provient de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, se divise en 3 sortes. Première sorte, sahih maqboul. Première sorte, authentique. La sunna authentique. Naam. Deuxième sorte, dhaif. Faible. Des ahadiths qui sont faibles. Troisième sorte, mawdou'. Des ahadiths qui sont mentis, forgés, inventés. Bon, puisqu'il y a 3 sortes, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire avec les trois sortes. Quelle est notre position envers les 3 sortes? Falmoudou, quant au menti et au hadith inventé, اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب ولا في غيره إلا من ذكره ليبين حاله. Les savants sont le hadith qui est menti, il est interdit de le rapporter aux gens. Non, il est interdit de se baser sur un hadith forgé et menti et de exception, sauf si on veut montrer aux gens, dites tel et tel hadith, c'est un hadith, yani menti sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, c'est permis de leur dire pour qu'ils apprennent que ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith est forgé et menti. D'ailleurs, on raconte que l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit une fois à son fils Abdullah, assieds-toi, et il a commencé à lui dire, apprends les hadiths, je vais te dire. Il a dit, premier hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تالي تال شوز دوزيام حديث قال رسول الله تالي تال شوز تروزيام حديث تالي تال شوز صن كونت il a terminé les 100 il lui a dit sache que tous ces 100 hadith يعني ne sont pas authentiques نعم sache que tous ces 100 hadith بإذن الله عز وجل ne sont pas authentiques. Autre chose. Donc ça, c'est pourquoi, c'est pour la première sorte. La première sorte qui est le hadith forgé. Maintenant, on reste le hadith, la deuxième sorte. En fait, c'était la première sorte. Le hadith authentique. Ça, il n'y a pas, inshallah ta'ala, de problème. Le hadith authentique, il faut l'accepter. Et de la deuxième sorte, c'est le hadith forgé. Celui-là, c'est interdit de raconter, sauf si on veut le montrer aux gens. La troisième sorte, c'est le hadith faible. Le hadith qui est faible. Le hadith faible, il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'on a le droit de le rapporter ou pas? Naam. Certains ont dit qu'il est interdit de le rapporter. Comme par exemple Bukhari. Bukhari, Allah, et Ibn al-Arabi al-Maliki et beaucoup d'autres, hein, maintenant de leur nom, ont dit qu'il est interdit de rapporter le hadith faible. D'autres, beaucoup d'eux, c'est-à-dire la plupart, qu'il était possible de rapporter un hadith faible. Ils ont dit que c'est possible de narrer un hadith faible. Mais ils ont mis trois conditions pour pouvoir narrer un hadith faible. La première condition, c'est un hadith faible, il s'affiche, ne soit pas très très faible, ou trop faible. Parce que les hadiths faibles en eux-mêmes, il y a des degrés. Ils ont dit qu'il ne faut pas qu'ils soient très faibles ou trop faibles. La deuxième condition, أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب والعقاب ثابت بدليل صحيح. La deuxième condition pour pouvoir rapporter un hadith faible, ils ont dit qu'il faudrait que ce qu'il contient, cette chose qu'il contient, il faut que cette chose existe, n'am, avant d'autres hadiths authentiques. N'am, hadith, par exemple, ce hadith, je vais donner un exemple, par exemple, le hadith, par exemple, qui dit, par exemple, son mot, faites le jeûne, vous serez en bonne santé. C'est un hadith faible, là. Mais, on veut dire, leur parler de ce hadith, il faudrait que il y ait quelque part d'autres liens dans le Coran, quelque chose entre eux. Si on fait le signe, venir en bon. Ils ont dit ça, deuxième condition. La yu'taqala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qalahu, bal yakun mutarajjazim. La troisième condition, il faut quoi? Il faut quand tu te bases sur un hadith, il faut que tu ne sois pas. Yani, tu ne sais pas à 100% que c'est d'Allah qui l'a dit. Pas parce que c'est un hadith faible. C'est-à-dire à 50% dans ton cœur, peut-être le messager d'Allah l'a dit. Et à 50%, peut-être que c'est pas lui qui l'a dit. Il n'a pas ajouté ici la quatrième condition. et très. Il faut pas que ça soit dans la aqida. Si je me permets d'entendre un hadith, il faudrait pas que ça soit dans la aqida. C'est la quatrième condition, mais il faut que ça soit dans terhib. Seulement les choses qui exhortent, naam, ou bien les choses qui font peur, comme on parle de l'enfer, etc., ou la adab al-qabr, ou des choses comme ça. Naam. Et la cinquième condition, si on cite un hadith faible, il faudrait dire aux gens que c'est un hadith faible. On n'a pas le droit de se taire. Mais il faut dire aux gens que ce hadith est faible. Maintenant, si on est avec des savants, ce n'est pas la peine de dire le hadith est faible. Il suffit de dire, par exemple, au lieu de dire rawa, on dit par exemple ruya, ou bien yuhka, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe sirat tamriz. Dans Ilm al-Hadith, yuhka ruya, ou bien yudkar, ça veut dire automatiquement que ce hadith est faible. Parce que, on dit en arabe, sira ici, c'est pas sirat jazm, c'est sirat tamriz. Mais les gens de la masse qui ne sont pas des savants ne font pas la différence entre rawa et yurwa. Si tu dis yurwa, ils ne vont pas comprendre que c'est un hadith faible. C'est pour ça que si on est avec des gens et de la masse, de préférence, ne jamais se baser sur un hadith daïf. Car là, on ne peut pas ni comprendre pourquoi d'abord c'est daïf. Même si tu lui dis, tu cites le hadith, tu dis, ça c'est un hadith daïf, ils ne vont pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire daïf? Tu as dit, qala Rasulullah, khlas. Donc c'est Rasul qui a dit. Non, ils ne vont pas comprendre. Ils risquent d'avoir des ambiguïtés. Ensuite, on va rentrer dans un nouveau chapitre, un nouveau grand chapitre, naam, qui est la croyance ou la foi en la prédestination, au destin et en la prédestination. Cheikh l'Islam, rahimahullah, a dit: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر بالقدر نعم خيره وشره الذي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة le groupe sauvé croit en destin croit en destin خيره وشره on sent bien et on sent mal. On sent bien et on sent mal. Donc la croyance à la prédestination, c'est obligatoire. D'ailleurs, elle constitue l'un des six fondements en vertu du hadith que tout le monde, ou le messager d'Allah, alayhi sallam, a dit, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour du dernier et à la prédestination bonne ou mauvaise. Hadith rapporté par Muslim et d'autres. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: je crois à la prédestination, la bonne et la mauvaise, la douce et l'amère. Naam. Donc, le bien et le mal concernent dans le hadith les suites et le sort, alors que la douceur et l'amertume concernent le temps de production ou de réalisation des premiers. Le bien et le mal concernent la projet à créer le bien et à créer le mal. Mais qu'est-ce qui fait le mal? C'est ces créatures qui le font. C'est pas Allah Azza wa Jalla qui fait le mal. Comme dans le hadith, n'est pas de toi. Il va venir, inshallah ta'ala. Il peut s'agir de bien, comme le péché, la maladie, la pauvreté. Tout ça, ça rentre dans le destin et la prédestination. Mais on ne peut pas dire que l'acte de Allah Azza wa Jal est mal. On ne peut pas dire ça. Car le prophète, alayhi sallam, disait dans l'invocation du Qunut qu'il avait apprise à Al-Hassan ibn Ali, son petit-fils, qu'est-ce qu'il lui disait? Entre autres, dit: et préserve-moi, ya Allah, et préserve-moi contre le mal que tu as décrété. Et il n'a pas dit contre le mal de ton décret. Non. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui concerne la prédestination, la croyance en la prédestination, il y a quatre articles, quatre bases qu'il faut connaître. La croyance à la prédestination requiert quatre articles nécessaires. Le premier article, croire que Allah Azzawajal est connaisseur de ce qui est en globalité et en détail, par une science pré-éternelle. Car Allah Azzawajal a dit: Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Le Hajj 7. Allah Ta'ala dit: Ne sais-tu pas que Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre. Et cela est pour Allah Ta'ala bien facile. Donc, le premier article, la première base de la prédestination, c'est croire que Allah Ta'ala connaît en globalité, en détail, par une science prééternelle. Il connaît tout ce qui nous arrive avant même que cette chose nous arrive. Pourquoi on dit comme ça? Parce qu'il y a certaines sectes en islam, et bien sûr des sectes égarées, qui disent que Allah Ta'ala ne connaît pas la chose jusqu'à ce qu'elle advienne. C'est-à-dire quand la pluie commence à tomber, Allah Ta'ala alors connaît que la pluie a tombé. Alors nous on dit, alors quelle est la différence entre notre science et la science d'Allah? Car nous aussi, quand la pluie commence à tomber, on sait qu'elle a commencé à tomber. Et d'autres, yani, moins graves que cela, pour eux, ils croient que c'est moins grave, ils disent, Allah Ta'ala connaît la chose avant qu'elle arrive, mais en globalité, pas en détail. Il sait que demain, il va tomber la pluie. Mais pas en détail. Pas combien de centimètres, ou là, combien de centimètres cubes, ou là, dans quel pays elle va tomber, etc. C'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, croire que Allah Azzawajal est connaisseur de ce qui est en globalité, en détail. Nous, on croit que Allah Ta'ala, avant de créer, a su nous laisser toutes ces choses dans leur globalité et dans tous les détails. Mieux que cela, on dit, même ce que Allah Ta'ala n'a pas créé, s'il l'avait créé, il sait comment qu'il l'aurait créé. Non. La deuxième règle, ou le deuxième article. Croire que Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit dans la table bien gardée, Louh al-Mahfouz, les décrets concernant la production de toute chose. Il a dit: Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Le hadith 22. Il a dit: Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah Azza wa Jal. Donc je répète. La deuxième règle qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est que Allah Azzawajal a inscrit dans la table bien gardée, ou bien la table préservée, ou bien la table céleste, il a inscrit tous les décrets concernant la production de toute chose, tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer. D'ailleurs, le messager d'Allah, alayhi sallam, a dit que Allah Ta'ala a prédéterminé la production de la création 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Hadith rapporté par Muslim. Donc 50 000 ans avant que Allah Ta'ala ne crée les cieux et la terre, il avait tout écrit en globalité, en détail, tout ce qui allait arriver. Jour par jour, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, à toutes les personnes, à tous les animaux, à tous les anges, aux montagnes, au vent, aux mers, tout ce qui va se passer, il l'a écrit. Toutes les feuilles qui tombent et qui vont tomber, et qui tomberont jusqu'au jour de la résurrection, qui vont tomber de l'arbre, ont été écrites contre telle feuille de tel arbre dans tel pays va tomber. À quelle minute, à quelle seconde la feuille va tomber? Naam, subhanallah, tout en détail. La troisième règle qu'il faut attester aussi en ce qui concerne le destin, c'est que rien ne se produit dans les cieux et la terre sans la volonté d'Allah Azza wa Jal et sans vouloir. Sans sa volonté et son vouloir, dans le cadre de sa miséricorde et sa sagesse. Il guide, Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut par sa grâce et égare qui il veut par sa sagesse. Écoutez bien cette phrase. Allah Ta'ala guide qui il veut par sa grâce. Naam, c'est une grâce. Fadl. Fadl. S'il ne veut pas te guider, il ne te guide pas. Par sa grâce. Et égard. Il veut quoi? Quoi? Par son... Par sa juste. Par sa... Allah Ta'ala, cette personne, naam, ne mérite pas, par exemple, la guidance. Allah Ta'ala est sage. Et la sagesse, c'est quoi? C'est de mettre la chose, l'âme, qui convient à l'endroit qui lui convient. La sagesse, c'est comme j'ai dit plusieurs fois, je te donne un, et il y a devant toi un faux. Et un cartable, la sagesse, c'est-à-dire, le sage va mettre le sang dans le cartable. Si tu vas le mettre dans le coup, c'est un passage. Donc, Allah Ta'ala, il sait que la personne, par exemple, la guide. Alors, il lui place, la lui place là. Un passage. Allah Ta'ala ne va pas placer la foi au cœur de qui n'aime pas cette qui n'aime pas venir vers qui ne soit adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a ni espère paradis, pas peur de terre. Celui de Ta'ala ne guide pas. Il a dit sur verset, Allah Ta'ala ne guidez pas, et les pères de Allah Ta'ala ne pas, juste qu'on ne guide pas, par et qu'on aime. Et il a dit, il y a les profils qu'on l'ouvre, c'est Allah Ta'ala qui a du bien dans vos cœurs, il va vous donner du bien. Il va vous donner du bien. Donc, tout ce qui arrive, à fond, mademoiselle, Allah Ta'ala n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, vu sa sagesse parfaite et son voir. Alors que les créatures doivent rendre compte de leurs actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala continue, ou là il ne la fait pas, personne ne lui demander des comptes. Pourquoi? Parce que c'est le plus juste qui ne fait jamais justice. Tout ce qui a conforme à sa science, et comme aussi ce qui est inscrit dans le CLSD, il a dit Inna shay'innahu biqadr, Al-Qamar 49. Nous avons créé toute chose avec mesure. Il a dit aussi Man yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haram, An'am 125. Il a dit et puis quiconque Allah Ta'ala veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Naam. Il affirme ainsi que la guide et l'égarement se font par sa volonté azzawaj. Quatrième règle, en ce qui concerne la prédestination, croire que tout ce qui est dans les cieux et la terre est créature de Allah azzawaj. Un de créateur dehors de lui. Et point de seigneur absolu de lui. Il a dit dans le Coran, Alladhi lahu mulku samawati wal ard, wa la khid walada, ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الفرقان 2. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Hein? Il a dit également, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Allah Ta'ala nous a créé nous, et il a créé aussi ce qu'on fait. Il a créé aussi ce qu'on fait. On va expliquer ce que ça veut dire. Yani, il nous a créé, il a créé aussi ce qu'on fait. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tayyib. Chapitre, la prédestination ne justifie point le péché. C'est très important. La prédestination ne justifie point le péché. La prédestination ne justifie le péché. Toutes les actions humaines, y compris actes de piété ou bien sont créés par Allah Azza wa Jal comme tu mentionnes. Répète, toutes les actions humaines, y compris de piété ou bien péché, sont par Allah Azza wa Jal. Mais cela ne peut pas dire d'argument justifier le péché et ce vertu de preuve dans celle-ci. Premièrement, Azzawajal, certes, produit l'acte de l'homme tel qu'il est. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dhulma al-yawma inna Allah sari'u al-hisab. Ghafir 17. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah Azza wa Jal est prompt dans ses comptes. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Donc, il a dit chaque âme sera rétribuée selon quoi? Selon ce qu'elle aura acquis. Donc, l'acte de l'homme ne lui aurait pas été attribué et s'il n'avait pas la capacité de le faire. L'homme, non, je répète, de l'homme n'est pas attribué si celui-là agissait librement et s'il n'avait pas la capacité de le faire. Deuxièmement, des commandements et addictions et ne le charge pas selon le verset où il dit La yuklahu nafsa. Allah n'impose une âme charge sur la capacité. L'homme écrit à l'acte contre un fait, il n'aurait donc pas la capacité de l'accomplir ou de s'en abstenir. Et la personne contrainte étant incapable de se défaire de ce dont elle est chargée. Troisièmement, chaque année que libre et volontaire dit lui qui est volontaire ou à savoir peut se déprimer du second. Vous remarquez, quand je dis je commence à écrire. Non. Si eux, écrire. Non? Donc, l'année, c'est une chose que c'est moins fait. Comparer cela avec la fièvre, par exemple, combler de la fièvre. Vous voyez une grande différence entre quand j'écris et quand j'ai la fièvre et je tremble. Quand je tremble, c'est moi qui me comble. C'est une chose, l'année, que je suis forcé de faire. Mais quant à l'écriture, je suis libre. C'est comme quand, l'année, par exemple, je prends le stylo et je décide qu'est-ce que je vais écrire. Je vais écrire par exemple des versets coraniques ou bien je vais écrire des insultes. Je suis libre. Mais ce n'est pas par exemple, comme je viens de dire, par exemple, quand on commence à trembler, ce n'est pas nous qui nous commandons. premièrement, avant de commettre le péché, avant de commettre un péché, le pécheur ignore ce qui lui est prédestiné, tout en capable de le commettre ou de s'en aller. On pourrait justifier en invoquant la prédiction, pourtant, au moment où il emprunte la mauvaise voie. Quelqu'un qui dit pourquoi tu vas devoir la croix. C'est écrit, c'est plus fort, c'est Allah qui m'a fait ça. On n'arrête pas de voir. Allah qui a dit pourquoi tu fais déjà la guide, il ne m'a pas encore guidé. Comme ça. Font le péché. Et ce quoi sur la prédestination. Or, de la bien. Non seulement c'est faux, mais ça donne un deuxième péché. Quel deuxième péché? Le deuxième péché d'avoir menti sur Allah. D'avoir dit, il ne m'a pas guidé. Et d'avoir dit, c'est Maïk, voir la lui qui de voler. Ça, j'ai dit, deuxième péché. Naam. Comme il dit ici, ne lui va mieux de la bonne voie et diront si elle est son destin prédéterminé. Non. Pourquoi tu es bonne voie et tu dis quoi? Et tu dis que c'est prédéterminé. Non. Cinquièmement, Allah mentionne dans le Coran qu'il a envoyé les messagers pour annuler tout argument devant Allah Azza wa Jal. Non. Il a dit dans le Coran. C'est-à-dire, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut point pour les gens l'argument devant Allah Azza wa Jal. Coran, Nisa 65. On me dit qu'il y a beaucoup de coupures. Donc, je crois que je suis obligé d'arrêter. Naam, je ne sais pas aujourd'hui pourquoi c'est comme ça. Naam, Allah ghalib, qadar Allah mash'al, ce n'est pas de ma faute. Bi'idna azzawajal. Naam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant.